Merci Nicolas. Je tiens tout d'abord à remercier l'école française et sa directrice, Madame Virlouvet, de m'avoir invité pour présenter un projet de nouveau musée qui est aujourd'hui en préfiguration assez avancée sur Narbonne. Donc Nicolas a pu nous présenter des résultats remarquables des recherches menées par le projet collectif de recherche. De mon côté, je vais vous proposer de regarder vers l'avenir et d'un avenir proche, et je vais vous présenter donc les grandes lignes de ce nouveau musée, et je vais essayer également de vous d'insister un petit peu sur la manière dont ce projet se construit aujourd'hui en lien avec l'équipe de recherche qui travaille sur la redécouverte du port de Narbonne. Donc en quelques mots, ce projet est aujourd'hui lancé depuis 2010. C'est un musée qui a été voulu par la région Languedoc-Roussillon, donc collectivité territoriale française qui couvre un territoire large du Rhône jusqu'aux Pyrénées. Une collectivité qui est appelée à évoluer. Comme vous savez, donc le gouvernement français est en train de mener des réformes importantes en termes de découpage territorial. Néanmoins, initialement, ce projet était lancé par la région et notamment par son président en 2010, Georges Frêche, un personnage haut en couleur qui avait une vision précise, en tout cas une vision forte pour le développement de ce territoire. Son intention et celle qui nous guide aujourd'hui, c'est effectivement de redonner une nouvelle visibilité au patrimoine romain de Narbonne, un patrimoine qui est largement méconnu. Contrairement aux grandes villes romaines du sud de la France, comme Arles, Nîmes ou Orange, qui toutes en bénéficient de monuments romains encore debout et qui contribuent à leur notoriété, Narbonne n'a plus aucun aujourd'hui monument debout, et néanmoins c'est une ville qui a joué un rôle très important dans l'Antiquité sur le territoire gaulois. L'idée est effectivement donc de rassembler des collections aujourd'hui éparpillées entre différents sites, différents musées que je vais vous présenter rapidement, et de les rassembler dans un nouvel établissement, un nouveau bâtiment qui redonnera vie et fera mieux connaître ce patrimoine romain. Un des points qui a également motivé la mise en place de ce projet, c'est finalement de réussir à travailler en bonne coordination avec justement des chercheurs, des archéologues et notamment donc l'équipe du projet collectif de recherche qui travaille sur les ports antiques depuis au moins 2009. L'idée est donc de faire connaître ce travail et de faire de ce musée plus qu'un simple musée archéologique, mais également un lieu favorisant la recherche et un lieu qui fera connaître le travail des archéologues, leurs méthodes, les disciplines et la manière dont ils travaillent. Donc, en quelques mots, les grands objectifs de ce musée, c'est vraiment de valoriser la Narbonne antique au sens large et de montrer son évolution, la naissance de la ville romaine à la fin de l'âge du fer, son développement et jusqu'au, on va dire, la continuité de son histoire au Moyen-Âge. C'est également un musée que nous souhaitons ouvert à l'échelle régionale, en tout cas ouvert sur le patrimoine romain en Languedoc, et de manière à faire connaître de manière large, au public le plus large, l'histoire romaine riche de cette région. Le troisième grand objectif de ce musée, c'est d'être plus qu'un, comme je vous disais, plus qu'un musée, un centre de recherche. Et pour cela, nous avons intégré dès le début des espaces au sein du futur musée, des espaces de travail qui permettront d'accueillir des chercheurs, des étudiants, des universitaires pour venir travailler sur les collections et également de présenter ce travail. Nous souhaitons également y développer des activités de restauration, notamment de restauration de mobilier archéologique et d'enduits peints, puisque Narbonne est riche d'un patrimoine important en termes de peinture murale. Et donc, à côté de toutes ces activités, nous souhaitons présenter en lien logique, faire la continuité entre le travail des archéologues et la valorisation de ce travail auprès du public le plus large. Quelques mots donc sur les collections que nous présenterons dans ce musée. Tout d'abord, Narbonne, du fait qu'aujourd'hui son passé romain est peu visible, nous souhaitons vraiment revaloriser et faire connaître le rôle qu'elle a joué en tant que capitale provinciale, d'une part, à travers des éléments de collection comme celles que vous pouvez voir ici, notamment un certain nombre de pièces qui témoignent de son statut de capitale, et du rôle qu'elle a joué précocement, puisqu'effectivement Narbonne a été la première colonie romaine fondée en territoire gaulois, vers 118 avant Jésus-Christ, et pour cela elle a gagné une forme de prééminence, ou en tout cas elle a joué un rôle important qu'elle a maintenu tout au long de l'Antiquité. Donc de par ce rôle-là, le musée de Narbonne présente des collections qui seront valorisées dans ce sens. Narbonne, donc comme vous le savez bien maintenant, c'est également un grand port de commerce, à travers un certain nombre de collections que je présenterai un peu plus en détail un peu plus loin. Mais Narbonne aujourd'hui c'est également une ville au patrimoine romain riche par grâce à des peintures murales qui permettent d'illustrer la vie quotidienne de riches familles romaines, notamment grâce aux nombreuses découvertes qui ont été faites sur un site qui s'appelle le Clos de la Lombarde, qui est en fait un site de domus, de maisons romaines qui ont été fouillées sur près de 30 ans et qui ont permis la découverte de peintures murales et de l'ensemble du décor de plusieurs maisons. Donc, tous ces décors ont été reconstitués. Nous disposons d'une près d'une cinquantaine de panneaux aujourd'hui qui seront présentés dans ce futur musée. Vous avez notamment ici une image en bas à gauche qui est une des plus belles pièces des peintures murales, qui est de la peinture dite au génie, qui est en fait une mégalographie où est représenté un génie accompagné d'une victoire au sein d'une architecture en trompe-l'œil. Donc voici cet ensemble de peintures murales constitue sans doute une des collections les plus impressionnantes qui seront valorisées dans le futur musée. Et le deuxième ensemble particulier que nous présenterons est un ensemble tout à fait exceptionnel. Il s'agit d'une collection Laguerre aujourd'hui présentée dans une église désaffectée qui est constituée de près de 1500 blocs d'architecture qui sont, comme vous pouvez voir sur ces photos, qui sont tout simplement empilés et qui sont présentés de cette manière depuis près de 120 ans puisque ces blocs ont été récupérés lors de la destruction des remparts. L'histoire de cette collection est longue puisqu'il faut imaginer que ces nombreux blocs ont été remployés à plusieurs reprises dans les remparts de la ville et qu'ils ont survécu grâce à ça jusqu'à nos jours et qu'ils sont aujourd'hui donc conservés bon gré mal gré dans cette église et que nous souhaitons donc notre projet est donc de rassembler cette collection lapidaire avec l'ensemble des autres pièces dans un nouveau musée qui donnera donc une nouvelle visibilité à cet ensemble. Donc quelques mots sur cette collection, comme vous pouvez le voir sur les photos, il s'agit à la fois de frises, de chapiteaux, d'inscriptions en très grand nombre. Finalement, c'est peut-être une des collections les plus importantes en France. Nous disposons de près de 1000 inscriptions, notamment des inscriptions funéraires. Et nous travaillons notamment en ce moment avec un groupe de chercheurs pour renouveler la publication de cet ensemble et essayer de mieux connaître l'ensemble de ces inscriptions. Donc ce deuxième ensemble exceptionnel sera présenté dans le futur musée. Donc nous avons un gros chantier de déménagement en perspective et de restauration qui est aujourd'hui bien engagé. Donc ce projet, lancé comme je vous disais en 2010, est aujourd'hui dans une phase assez avancée de préfiguration. En 2011, un concours d'architecture a été lancé et c'est une équipe internationale qui a été retenue, composée d'un architecte fameux, donc Norman Foster, le cabinet Foster & Partners, qui a remporté ce concours et qui s'était associé pour l'occasion avec un cabinet de scénographie qui est le studio Adrien Gardère. Donc cette équipe a effectivement remporté ce concours, notamment grâce à une proposition qui a séduit le jury dans une proposition tout à fait originale et intéressante pour valoriser la collection lapidaire dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'effectivement leur proposition est de rassembler cette collection lapidaire au sein d'une grande galerie qui traversera tout le futur musée et qui constituera une épine dorsale, à la fois la frontière entre les espaces publics et les espaces professionnels et un lieu de valorisation spectaculaire et fort du patrimoine romain de Narbonne. Donc en quelques mots, l'identité, c'est pour vous donner une idée de ce futur musée. Donc le projet s'implante sur une parcelle d'environ 3 hectares qui s'est située à l'entrée de la ville. Le bâtiment projeté devrait faire environ 9000 m², dont 3200 m² d'exposition. Et le coût global du projet est de 44 millions d'euros. Donc ce projet, ce musée est destiné à s'implanter à l'entrée de la ville, dans un espace en pleine reconfiguration aujourd'hui, situé à peu près à mi-distance entre la sortie d'autoroute et le centre ancien. Donc la parcelle que vous voyez ici en vert clair correspond au site d'implantation du futur musée, en proximité immédiate du canal de la Robine, donc dont parlait Nicolas tout à l'heure, qui est le résidu du cours d'eau de l'Aude de la période antique, qui aujourd'hui traverse la ville de Narbonne et rejoint la mer. Donc nous sommes dans un site qui bénéficie de nombreux avantages, notamment en termes d'accessibilité et de lien vers le centre-ville, vers le centre ancien de Narbonne. Quelques mots sur le projet architectural en lui-même, en termes de conception. Le principe Le choix qui a été fait par l'équipe d'architectes a été de mettre en place un bâtiment relativement simple et sobre qui insiste sur notamment sur le traitement de la toiture très saillante sur l'ensemble des façades et néanmoins qui avec des ouvertures régulières sous forme de grandes baies vitrées qui permettent l'entrée de la lumière dans les espaces d'exposition. Vous avez ici une vue de l'entrée du musée. Donc effectivement, on est ici en près de l'ouverture, l'entrée du public. Et vous pouvez remarquer que le traitement des murs, la couleur est assez particulière. C'est une proposition que les architectes ont fait en cours d'étude, qui est en fait d'apporter un caractère original en proposant un béton teinté, un béton décoratif qui est constitué de couches superposées qui rappellent l'accumulation des strates et qui rappellent indirectement l'archéologie en quelque sorte. Donc vous pouvez voir sur l'image, la grande image de gauche ici, que les architectes ont proposé de composer ce bâtiment en deux grandes parties. Je vous parlais tout à l'heure de cette grande galerie lapidaire qui traverse tout le bâtiment, on la voit ici. Et l'idée, effectivement, c'est que cette galerie soit à la fois une épine dorsale et un élément de séparation. Et ils ont souhaité renforcer cette idée en traitant en béton décoratif l'ensemble des murs périphériques de manière à donner un caractère fort au lieu et en laissant visible ce béton, notamment dans les espaces d'exposition qu'on va voir un peu plus loin. Donc vous avez à droite une image d'un prototype qui a été fait sur ce béton. Là, les teintes sont assez claires. Nous orientons sans doute vers des teintes un peu plus foncées pour le rendu final de ce musée. En quelques mots, donc le choix, comme je vous disais, le choix fort qui a été fait par l'équipe d'architectes est de proposer une grande galerie qui traverse le bâtiment, qu'on voit ici. Donc là, vous avez un plan schématique du futur musée. Cette galerie constituera effectivement à la fois un lieu de visite, pour un lieu de parcours pour les visiteurs, et également un lieu d'accès vers l'espace professionnel. Des grandes caractéristiques du travail de Norman Foster est de toujours avoir une vision claire des lieux qu'il conçoit. Et encore une fois ici, on retrouve vraiment une conception très claire avec un bâtiment qui est partagé en deux, donc un bâtiment de plan carré qui se développera de plein pied. Vous avez à gauche la partie publique avec les espaces d'entrée, l'espace d'exposition temporaire, permanente, l'auditorium, cette grande galerie donc qui présentera la collection lapidaire, et à droite les espaces professionnels, les réserves, les lieux de recherche, et en étage les bureaux. Donc je vais vous présenter peut-être un peu plus dans le détail maintenant le parcours muséographique et la place qui tiendra la présentation du port et les résultats des fouilles des chercheurs. Donc, vous avez ici un plan qui correspond plus précisément au développement de ce futur musée. Dans le principe, que les visiteurs, donc après avoir traversé le hall d'entrée, qui est en vert ici, pourront bénéficier d'une première introduction sous forme de grandes cartes projetées, des grandes cartes qui resitueront la ville de Narbonne et la province de la Gaule narbonnaise et qui donneront un aperçu de son évolution historique. Après cette introduction, donc les visiteurs descendront à cette galerie et découvriront plusieurs formes de dispositifs multimédia, plusieurs thématiques en lien avec la collection lapidaire, et découvriront ensuite l'ensemble du parcours d'exposition permanente dans l'espace jaune que vous avez ici, que je présenterai un peu plus en détail. Donc là, on a quelques visuels donc pour l'instant de l'introduction dont je parlais à l'instant. La galerie lapidaire, donc, qui constituera sans doute le clou de la visite, puisque l'idée est de rassembler ici, sous forme d'une grande structure qui longiligne de près de 80 mètres de long, l'ensemble de la collection. Donc, l'originalité de l'idée de cette présentation, ce qui a motivé ce choix, c'est plusieurs choses. D'abord, de rappeler la dimension monumentale de la ville, rappeler ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, les monuments disparus de la ville, mais rappeler également l'histoire de cette collection, puisque je vous disais que les blocs ont été remployés dans les remparts de Narbonne, au Moyen-Âge, puis à nouveau à la Renaissance, et que ces remplois successifs ont sauvé la collection. L'idée est donc de donner à voir de manière indirecte cette histoire, et de la raconter de manière un peu plus directe grâce à des outils de médiation. Vous pouvez distinguer ici et à intervalles réguliers, trois zones où sont insérés des écrans qui permettront de raconter l'histoire de la collection, mais également d'expliquer un certain nombre de pièces majeures dans la collection lapidaire. Ces pièces majeures seront effectivement, il sera effectivement possible de déplacer facilement chacun des blocs qui se situent dans cette galerie lapidaire. Effectivement, l'originalité de la proposition des architectes était donc d'une part de proposer ce dispositif, mais également de proposer un outil qui permet de déplacer ces blocs facilement. En l'occurrence, l'outil proposé, qu'on voit apparaître dans la diapo suivante, voilà, qu'on voit ici, est un transtocker, c'est-à-dire un bras, un mât qui est disposé sur des rails et qui peut se déplacer le long de la structure pour venir déplacer un bloc, chacun des blocs étant fixé sur palette, pour le descendre et en donner accès aux chercheurs. L'idée est donc que nous avons comme une grande bibliothèque, une grande glyptothèque au sens premier, et chacun des blocs pourra être accessible et pourra être ainsi étudié et pourra être rendu visible plus facilement aux visiteurs. Je vous parlais d'outils de médiation. Effectivement, l'idée est d'utiliser cet outil également pour développer un discours et notamment pour présenter un certain nombre de pièces. L'idée étant de pouvoir déplacer facilement les blocs qui se situent au centre des écrans, de manière à ce que lorsqu'un bloc est installé dans cette case, cela déclenche une petite séquence audiovisuelle qui viendra expliquer à la fois la scène figurée ou bien replacer le bloc dans un contexte architectural ou archéologique et ainsi pouvoir expliquer un bon nombre de pièces de la collection lapidaire. Donc, comme vous pouvez voir, on a ici un élément qui constituera vraiment la partie la plus spectaculaire du parcours et qui sera à la fois un outil de conservation et de valorisation de cet ensemble lapidaire. Pour vous donner un aperçu un peu plus précis du parcours, donc après avoir descendu cette galerie lapidaire, les visiteurs pourront découvrir sous forme de grandes séquences thématiques la ville romaine de Narbo Marcius. Le principe de ce parcours est d'avoir distingué des séquences thématiques. Donc une première qui présente la ville dans sa dimension urbaine, architecturale et sociale. Donc c'est les espaces en vert sur ce plan. Une deuxième séquence en jaune ici qui présente la vie domestique, les maisons, leur décor, en restituant notamment plusieurs pièces des maisons qui ont été découvertes sur le clos de la Lombarde. Comme vous pouvez le voir, on distingue plusieurs cellules ici, et certaines seront en fait des reconstitutions à grandeur réelle de certaines pièces à vivre, avec leurs décors muraux, leurs décors de plafond et parfois leurs décors de sol également. Donc ce parcours se continuera par une séquence en bleu que vous voyez ici qui sera consacrée au port, et notamment aux activités économiques liées au port, donc principalement au commerce. Et une petite séquence terminera le parcours qui ouvrira sur l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, en insistant plus particulièrement sur la perpétuation d'un certain nombre de traits de civilisation propres à l'époque romaine qui se sont perpétués jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un parcours assez libre, assez ouvert, mais qui se complète par cette zone centrale qui apparaît en beige sur le plan, cette zone qui est constituée d'une part au centre d'une zone de repos, d'une zone de transition où sont présentées peu de collections, et surtout vous pouvez distinguer quatre pièces, quatre cellules qui sont en fait des espaces de médiation que nous souhaitons consacrer chacune à une des thématiques fortes du musée. Et il s'agit là non pas de pièces où on présentera des collections, mais d'espaces où nous développerons sous forme de différents outils de médiation. Nous souhaitons y parler spécifiquement du travail des archéologues. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un des axes forts du projet, c'est vraiment de parler de l'archéologie et de faire parler les archéologues. Dans ces différents lieux, sous forme de films, de projections, nous souhaitons effectivement développer différents discours, que ce soit sur l'épigraphie, sur l'étude de l'architecture, sur les projets pluridisciplinaires, comme le projet de recherche sur les ports antiques. Et l'idée est de faire un lien entre les collections qui sont présentées dans les espaces périphériques et le discours des archéologues qui seront ici en lien avec chacune des séquences que nous avons autour. Donc en l'occurrence, cet espace que vous pouvez voir ici sera consacré au programme de recherche sur les ports antiques. Et donc quelques mots maintenant un peu plus spécifiquement sur la séquence qui sera consacrée aux ports. Donc pour Narbonne, nous sommes face à un cas de figure un peu particulier, un peu difficile, puisque nous devons présenter un port qui est aujourd'hui invisible. Non seulement le port antique a complètement disparu, il est enseveli dans les étangs, Mais en plus, la ville moderne de Narbonne n'a plus du tout de caractère portuaire. Puis le Moyen-Âge, son port a complètement disparu. Et aujourd'hui, que ce soit en termes d'activité, de site, ce n'est plus du tout une ville portuaire. Donc un des défis, c'est de faire ressentir cette dimension portuaire dans le futur musée, faire comprendre à la fois l'ampleur du port, puisque comme vous avez pu le voir avec la présentation de Nicolas Carillon, le port romain était d'une ampleur extraordinaire. Et un des objectifs, c'est de faire vraiment ressentir aujourd'hui l'ampleur de ce port et les activités qu'il a abritées. Donc, en quelques mots, nous avons distingué plusieurs thématiques. Nous présenterons tout d'abord le port et ses structures portuaires, ses différentes installations, principalement à travers un outil de médiation qui est une grande carte interactive. Nous présenterons ensuite l'ensemble des marchandises qui ont transité par Narbonne, en essayant de donner un aperçu de l'évolution chronologique et des différents types de marchandises qui ont transité par ce port. Nous développerons également une présentation sur tout ce qui est les acteurs du commerce, les acteurs économiques, notamment à travers une série d'inscriptions, puisqu'effectivement à Narbonne nous disposons d'une riche série d'inscriptions présentant des métiers liés au commerce. Et nous terminerons par une présentation plus spécifiquement liée aux navires, les navires principalement de commerce, les navires que ce soit des navires tels qu'ils ont été retrouvés à Narbonne ou sur le pourtour méditerranéen. Donc je reviendrai pas plus précisément sur les structures portuaires. Comme je vous disais, pour le coup, nous aurons pas de collection à présenter, mais nous passerons par un outil interactif qui donnera à voir les différents sites qui ont été fouillés et la manière dont nous les comprenons aujourd'hui, que ce soit en termes d'aménagement et de fonctionnement et d'évolution. Donc là, il s'agit vraiment de présenter un système portuaire complexe avec des sites qui sont en complémentarité les uns des autres et qui ont évolué au cours du temps, certains étant abandonnés assez précocement, d'autres y ayant vécu très longtemps. Pour ce qui est des marchandises, donc nous avons des séries intéressantes, importantes d'objets, alors notamment des amphores, comme on en voit dans beaucoup de ports méditerranéens, d'autres séries qui relèvent d'épaves, comme par exemple une série de lampes à huile ici qui proviennent d'une épave découverte et malheureusement qui n'a pas été fouillée dans les années 70 sur la ville de Gruissant. Et nous avons récupéré un certain nombre d'objets qui sont issus de ces épaves. Et l'idée est de pouvoir donner à voir de manière rapide les différents types de cargaisons qui ont transité par Narbonne. En plus des marchandises, nous pourrons évoquer également à travers l'iconographie les activités des marchands. Puisque vous avez par exemple ici un bas-relief donnant à voir le remplissage de plusieurs amphores. Pour ce qui est des acteurs économiques, donc comme je vous disais, nous bénéficions à Narbonne d'un grand nombre d'inscriptions, que ce soit de personnages importants qui ont été des acteurs du commerce, notamment comme l'inscription de la famille des Fadi, comme vous pouvez voir ici, cette grande selle en marbre. Nous avons des mentions de marchands, bien sûr, de mercator, mais également de nombreux métiers liés à l'argent, au métier d'argent, donc un numularius ici, et tout un grand nombre d'activités qui sont plus ou moins rares et qui sont plus ou moins rarement attestées dans le monde romain. Concernant la navigation, donc nous avons un certain nombre de pièces qui sont des évocations directes des navires, comme l'encre dont parlait Nicolas tout à l'heure, donc une encre découverte en 1990 et qui atteste de la taille des navires qui ont pu transiter par Narbonne. Et tout un ensemble de pièces peuvent témoigner également donc de ces navires et des activités des marchands, mais également toute une série de bas-reliefs, une riche série qui permet de donner à voir la forme des navires, leur ampleur, leur mode de fonctionnement. Et vous avez par exemple ce bas-relief qui donne à voir le chargement d'un navire, certainement un navire de cabotage, puisqu'on voit qu'il était équipé à la fois de rames et de voiles. En complément de ces collections donnant à voir les navires, nous souhaitons présenter une épave, spécifiquement une épave qui a été découverte donc à Fos-sur-Mer, l'épave de Saint-Gervais-III, qui est intéressante puisqu'elle est sans doute une épave qui a transité par Narbonne. En tout cas, l'hypothèse a été émise qu'elle a pu transiter par ce port. Et nous souhaitons donner à voir plus spécifiquement, sous forme d'une grande coupe de la coque de navire, le mode de chargement de ces navires. L'idée étant de donner à voir à la fois comment ce navire était chargé et de raconter les informations que nous avons retrouvées grâce à la fouille grâce à un certain nombre de données comme les marques peintes, puisque les amphores d'Esselvin qui ont été retrouvées dans cette épave portaient pour beaucoup des marques peintes attestant leur origine de Bétique. Donc pour terminer, en complément des collections, nous projetons d'utiliser un certain nombre d'outils de médiation, des outils traditionnels pour certains ou plus innovants pour d'autres. L'idée étant à chaque fois d'apporter des informations complémentaires, que ce soit des manières de remettre en contexte des objets, que ce soit une manière de donner à voir des éléments qui ne sont pas visibles sur place, et ou bien tout simplement de donner, de restituer de manière vivante la réalité du monde romain. Donc vous voyez sur ce plan les différents outils que nous souhaitons mettre en place. Je voulais signaler notamment l'espace dont je parlais tout à l'heure. Donc nous appelons ça les alcôves, ces espaces où les visiteurs pourront découvrir l'activité des archéologues. Donc ces différents outils, je vous parlais tout à l'heure de l'utilisation pour présenter le port d'une grande carte interactive. Donc là, l'idée étant de pouvoir donner à voir, sous forme d'une grande carte, l'ensemble du port. Une carte qui pourra rester, effectivement, qui pourra donner à voir à la fois les évolutions du milieu naturel, puisque à Narbonne, comme souvent, le lien avec le milieu naturel et l'environnement est fort, et il explique pour beaucoup la manière dont le port a été construit et comment il a évolué. Donc en plus de montrer ces données liées au milieu naturel, cette carte permettra également de comprendre les différents sites qui ont été fouillés aujourd'hui. Donc sur les 4 sites qu'on vous a présentés tout à l'heure, effectivement, on a à chaque fois la possibilité de donner à voir, sous forme d'images de synthèse notamment, la manière dont le site a été aménagé et la manière dont il a fonctionné. L'idée étant d'avoir ici un outil qui est accessible par plusieurs personnes en même temps et qui est riche en contenu visuel notamment. L'idée aussi d'utiliser un outil numérique, c'est de rester ouvert sur les évolutions, puisque nous avons affaire ici à une équipe de chercheurs qui continue à travailler. Il est important de rester ouvert sur les évolutions futures et d'intégrer les nouvelles découvertes, les nouveaux sites, les nouvelles interprétations qui ne manqueront pas d'arriver face à la compréhension de ce port. Un deuxième outil que nous souhaitons mettre en place, qui est plus spécifiquement lié à l'épigraphie, c'est un outil que nous avons appelé le fil rouge épigraphique. En fait, c'est un outil qu'on retrouve à 5 occurrences dans tout le parcours, et une de ces occurrences concerne le monde du commerce. L'idée étant de donner à voir comment on peut déchiffrer une inscription peinte, en l'occurrence une inscription sur amphore. Il s'agit ici vraiment de donner les clés de compréhension simples, grâce à un outil multimédia, pour que le visiteur puisse mieux apprécier à la fois ce qui fait l'originalité de l'épigraphie en général, et surtout de la lecture d'inscriptions peintes, par comparaison avec des inscriptions gravées sur pierre ou sur bronze. Donc ce type d'outil est ici se place dans un parcours qui concernera l'épigraphie sur tout le musée. Un troisième outil que nous souhaitons mettre en œuvre, c'est un outil de réalité augmentée. Donc ce sont des outils qu'on commence à voir de plus en plus aujourd'hui utilisés dans la valorisation du patrimoine, en archéologie notamment. L'idée étant de permettre de donner à voir, à partir de la coque de l'épave de Saint-Jean-Rétrois, de donner à voir le navire dans son ensemble, et ainsi de donner à comprendre l'échelle à laquelle se situe ce navire. Là, l'idée est d'avoir un outil à la fois didactique et très clair, pour permettre aux visiteurs de mieux apprécier l'aménagement d'un navire et la manière dont il fonctionnait. Un quatrième outil, donc plus traditionnel, que nous souhaitons mettre en place, ce sont des maquettes. Nous travaillons depuis presque un an maintenant, en lien avec Marie-Pierre Gézégou, à la constitution de maquettes. Alors nous ne sommes pas ici dans la reconstitution de navires précis qui ont été révélés par des épaves, mais plutôt l'idée étant de donner à voir 3 types de navires différents, tels qu'ils ont pu naviguer et entrer dans le port de Narbonne, afin de mieux faire comprendre quel type d'outils les marchands et les navigateurs romains utilisaient. Donc nous souhaitons ainsi faire à l'échelle du 30e ces 3 navires, donc une échelle qui permet de donner beaucoup de détails et qui permettra aussi à la fois en termes de valorisation, de rendre plus vivant la compréhension de ces navires. Donc c'est un travail en cours aujourd'hui. Le travail a commencé sur le Ponto, donc un grand navire de commerce. Vous avez ici quelques images, donc à droite, en bas à droite, une photo de la maquette en cours de fabrication. La coque est à peu près terminée et le travail est en cours aujourd'hui pour restituer les gréements et les mâts Je vous ai également mis une image du plan sur lequel travaille donc un plan qui a été réalisé par Marc Bollon, donc un architecte qui se spécialise sur l'étude des navires. Et la maquette que vous voyez donc est réalisée par Henri et Isabelle Arquet, qui sont maquettistes spécialisés de marine. Et pour terminer, parmi les différents outils multimédia, outils de médiation que nous souhaitons mettre en œuvre, donc je vous ai parlé donc de cet ALCO. L'idée est de pouvoir vraiment mettre en œuvre ici un espace évolutif, puisque comme vous le savez sans doute, les outils de nouvelles technologies évoluent très vite. Et il est important de se ménager, de permettre des évolutions faciles à l'avenir. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace vide que nous investirons avec, dans un premier temps, un spectacle audiovisuel qui consistera en fait à projeter sur les différents murs différentes séquences audiovisuelles, mais également des animations pour raconter le projet collectif de recherche sur les ports antiques de Narbonne. Donc concrètement, là, il s'agira de donner la parole aux archéologues, de les faire parler sur leur travail et de montrer comment toutes ces études ont pu se faire en complémentarité pour faire avancer la connaissance sur le port de Narbonne. Et l'idée est également aussi de donner concrètement à voir comment se passent des fouilles dans des milieux difficiles, puisque très souvent, donc, les fouilles qui ont lieu sont en milieu aquatique, l'eau remonte très rapidement. Les moustiques sont là, ils sont nombreux, ils sont agressifs. Donc l'idée, c'est de montrer très concrètement comment se passe la fouille sur des projets de... Donc voilà, pour terminer, donc ce projet est aujourd'hui dans une phase bien avancée, puisque nous devrions pouvoir commencer les travaux de construction à l'automne prochain. Les études de maîtrise d'œuvre se sont déroulées sur presque 3 ans. Et si tout va bien, donc nous espérons pouvoir ouvrir le musée fin 2017, ou sans doute plutôt en 2018. Et l'idée étant vraiment de pouvoir faire renaître la Narbonne antique et de donner à voir donc le riche patrimoine et de faire vivre ce lieu en lien avec les archéologues. Je vous remercie.